Pourquoi tant de chansons d'amour? L'amour donne lieu à tellement d'expressions dans la culture et dans l'art humain, et notamment dans la musique et dans les chansons des plus populaires aux plus travaillées, qu'on a même l'impression qu'il n'y a de chansons que d'amour. Que de même que le rossignol chante ses amours, sans doute, en tout cas nous le fantasmons, nous l'imaginons ainsi, de même les humains, dès qu'ils chantent, chantent leurs amours. Mais et si nous chantons l'amour, c'est justement peut-être parce qu'il n'est pas toujours si simple et si heureux, parce qu'il est travaillé par le négatif. Quand tout va bien, nous sifflotons, nous chantons, mais peut-être que nous ne chantons pas vraiment l'amour. Nous chantons l'amour quand il est travaillé aussi par la distance, par la perte, par la rupture. Et précisément, nous nous adressons à l'autre, à l'être aimé, quand il n'est pas là pour penser à lui, pour se rattacher à lui. Et justement, parfois, quand il veut nous quitter, ou quand nous sommes jaloux ou malheureux. La chanson d'amour est l'expérience même du négatif dans l'amour et cette expression de la culture qui la travaille de part en part et sous toutes ses formes et peut-être aussi de manière historique. Mais alors il y a une énigme plus grande encore, car peut-être que le négatif le plus grand dans l'amour, ça n'est pas seulement sa perte ou son deuil ou sa rupture, ni même la jalousie, quoique la jalousie nous en approche, c'est peut-être cette haine qui est le contraire véritable de l'amour et cette haine qui, nous l'espérons d'ailleurs, ne donne pas lieu à des chansons, mais qui peut parfois malgré tout être assumée par la musique dans de très rares extraits comme celui-ci. Il y a de la haine, assume les Rita Mitsuko, de même qu'ils ont assumé aussi que les histoires d'amour finissent mal en général. Et on a l'impression qu'en admettant le risque, le danger, la peur même de la haine dans la musique, on parvient parfois à la conjurer. La chanson, l'art est quand même là pour nous faire connaître notre expérience, notre réalité, en nous orientant aussi vers le dépassement des souffrances ou du négatif qui les traversent aussi. Alors il y a parfois cette émergence de la haine ou du refus de la haine aussi dans l'art, y compris dans l'opéra par exemple. Mais on assiste dans nos sociétés à quelque chose de peut-être plus dangereux encore. Des chansons qui vraiment expriment la haine, non pas pour la contenir ou la mettre en relation avec son contraire et l'amour, mais une culture de la haine en général, comme on dit aussi avoir la haine, et ça branche au fond les passions négatives, déjà sur leur réalisation, parfois en leur désignant des objets. Comment peut-il y avoir par exemple des groupes de rock'n'roll, disons fascistes, qui entraînent aussi vers la destruction, ou bien des chansons de haine pure qui entraînent au combat pour détruire l'adversaire. L'art n'est pas si neutre, rien n'est neutre peut-être dans la vie humaine, et les fanfares militaires accompagnent aussi les pires massacres ou les pires destructions. Ainsi, il faut admettre le négatif jusque dans la culture humaine, mais quand même comprendre que ce négatif n'a de sens que par rapport à la rupture d'un lien qui nous définit, et peut-être n'est-ce pas par hasard qu'il y a tant et tant, et qu'il doit y avoir et qu'il y aura encore tant de chansons d'amour.